Mario RPG. Sur la console virtuelle, il est entré. C'est vraiment très chiant, il est que en anglais. J'y piche que dalle, ça commence à me gonfler. Où est Mario? Où est Luigi? Où est la puce? C'est qui celui-là? Je connais pas. Oh, et puis merde. Putain, 7 euros de gâchis. J'aurais dû prendre Docteur Mario. C'est quoi ces putains de francouilles? Il était là avant Paper Mario. Ça devait sûrement être un brouillon. Par les gars de Final Fantasy, c'est fait. Je comprends pas, ça devrait être super. Dans cette putain de forêt, je me suis paumé. On dirait les bois perdus, mais en plus mal fait. For the rest of your gaming life. Super Mario RPG. Sur la console virtuelle, il est entré. Très chiant, il est que en anglais. J'y piche que dalle, ça commence à me gonfler. Y'a Samus et Link qui sont cachés. Et des tas de persos bizarres ajoutés. La pose 3D isométrique, c'est pas mon truc. J'tiens la manette bizarrement comme un tuc. Où est Mario? Où est Luigi? Où est la puce? C'est qui celui-là? Je connais pas. Oh, et puis merde. Putain, 7 euros de gâchis. J'aurais dû prendre Docteur Mario. C'est quoi ces putains de francouilles? Moi, je suis une princesse qui sent la piche. Je suis coincée dans cette grosse cité. Y'a le gros Bowser qui me retient prisonnière. Mais je veux pas me lier, Mériole. Je veux me marier, Mario. Où est Mario? Où est Luigi? Où est la puce? C'est qui celui-là? Je connais pas. Oh, et puis merde. Putain, 7 euros de gâchis. J'aurais dû prendre Docteur Mario. C'est quoi ces putains de francouilles? Dans cette putain de forêt, en mal fait, c'est vraiment très chiant, il est que en anglais. J'y piche que dalle, ça commence à me gonfler. Et cette putain de chanson que je viens